l'avenir sera fait. Je continue mon chemin, même s'il n'a pas toujours été parfait. Tant de choses pour me parfaire, le bonheur ne date pas d'hier. La dépression coûte cher, alors j'avance, fier les pieds sur terre. Apprendre à être un homme fier de lui, un être humain accompli, sortant de la monotonie, lâchant au mieux les soucis, les mettant dans la case, oublie, mettant du cœur à l'ouvrage. Pas de rage dans ce que je fais, conjugue ma haine à l'imparfait. Et un bienfait arrive qui m'enivre, j'ai envie de vivre libre et non ivre, que je puisse lire dans mon esprit comme dans un livre ce que je vous livre en live. C'est ma life, mon espoir de ne pas jouer plus qu'un espoir. Même maintenant j'avance, une nouvelle vie commence, c'est immense quand j'y pense. Envers l'apitoiement j'avais une dépendance, ma vie désormais je veux lui donner un sens. La liberté m'évoque des bonnes choses, j'en veux à forte dose et non à faible dose. Deuxième couplet, je tire un trait définitif sur cette période en état maladif, me fais pas l'artif. Ça y est, j'ai nif de faire l'alcoolo et de fumer le spliff. Sur ce riff, je me sentir m'envoler comme un aigle avec des sacrées griffes. Allant de l'avant, rien de décevant, dorénavant, rien de navrant, un côté planant. Ouh yeah, ouh yeah, ouh yeah. Solide, mais solide pas comme un vent. Le passé n'appartient ni au présent ni au futur. Alors je bâtis un truc dont je suis sûr, ne pas finir dans le mur, pour ne pas faire de rature. Quand je dis ça, je m'assure de reconnaître ma signature, celle de Fonzoin, bien sûr, celle de l'artiste, bien sûr, celle du mec qui assure. Le parcours est moins en moins dur, celle de Fonzoin, bien sûr, celle de l'artiste, bien sûr, celle du mec qui assure. Le parcours est moins en moins dur. M'évoque des bonnes choses, j'en veux à forte dose et non à faible dose. La liberté m'évoque des bonnes choses, j'en veux à forte dose et non à faible dose. Troisième couplet, je vois ça coupler les mots, avancer et progresser, les marier, ensuite en extraire un condensé des plus concentrés. Afin de me concentrer, je retrouve la santé. Yes, est-ce que tu l'as senti? Yes, les choses ne me blessent plus, ce sont des épreuves à surmonter pour me sentir bonifié, me sentir grandi, aimé. Mon flow, je brandis, telle une épée, le fond se grandit. Il est enfin devenu sensé, yes. J'en veux à forte dose et non à faible dose.